êtes plus fragile que des fillettes, mais jusqu'au bout et coup par coup, je saurai faire de vrais hommes de vous. Comme la flèche qui vibre et frappant plein cœur, en trouvant l'équilibre, vous serez vainqueur. Vous n'êtes qu'une bande de femmelettes, mais envers et contre tout, je saurai faire de vrais hommes de vous. J'aurais dû me mettre au régime. Salut tous mes amis pour moi. Je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Ce gars là, l'enfant que les voix. S'il voyait la fille en moi. Je suis tout en âge, ménage et je ne sais pas. Sois plus violent que le cours du torrent. Sois plus puissant que les ouragans. Sois plus ardent que le feu des volcans. Secret comme les nuits de lune de l'Orient. Les jours passent et les uns ne sont plus très loin. Suivez bien mon chemin, vous vivrez demain. Vous ne serez jamais vaillant et fort comme des hommes. Rentrez chez vous, je ne peux faire de vrais hommes de vous. Sois plus violent que le cours du torrent. Sans que les ouragans soient plus ardents que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Sois plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient.